Chapitre 11e, le bal. Collard laissa ses deux acolytes encore stupéfaits de son exclamation, se jeta dans un fiacre et dit au cocher « 100 sous de pourboire si tu vas rue Saint-Lazare, numéro 75, en une demi-heure. » L'automédon à livrée crasseuse enveloppa ses deux roses d'un homérique coup de fouet et partit avec la rapidité de l'éclair. « Pourvu que je trouve le capitaine, » pensait Collard. Et l'émotion du lieutenant était si grande qu'il parlait tout haut dans son fiacre, mêlant les noms de Williams, d'Armand et de Cerise aux mots d'héritage et de séduction. Si on eût entendu et vu gesticuler le digne Borien, on eût juré qu'il était fou. Le cocher fit merveille, et ne mit guère que 35 à 40 minutes pour franchir les 6 kilomètres qui séparent la barrière de Belleville de la rue Saint-Lazare. Au moment où le fiacre s'arrêtait devant l'hôtel, occupé par le capitaine Williams, celui-ci se faisait ouvrir la porte cochère et sortait en tilbury. Mais Collard se montra, sortit précipitamment du fiacre et lui dit « Capitaine, il faut rentrer. Plaît-il » fit Andrea un peu contrarié. « Il le faut, » dit Collard du ton convaincu de l'homme qui sait l'importance de la nouvelle qu'il apporte. Le capitaine comprit, au visage bouleversé de Collard, qu'il s'agissait des intérêts les plus graves, et jetant la bride à son groom, il lui ordonna de ranger le tilbury devant la porte, une roue dans le ruisseau, et d'attendre. « Bien, » dit-il à Collard. Collard jeta 5 francs à son cocher et suivit Andrea, qui traversa rapidement la cour et le jardin, ouvrit la porte du pavillon et fit entrer son lieutenant dans un petit salon du rez-de-chaussée. « De quoi s'agit-il ? » lui dit-il alors. « Il s'agit, » répondit Collard, « d'un événement qui peut tout compromettre. »« Qu'entends-tu par tout ? » demanda froidement le capitaine. « L'héritage ! » répondit laconiquement Collard. Andrea fit un mouvement d'étonnement mêlé d'effroi. Collard poursuivit. Armand est sur la trace. « Sans Dieu !» s'écria le capitaine, qui devint livide de colère et frappa du poing sur une table. « Il veut donc que je l'assassine ?» Et dans l'œil de celui qui s'était nommé Andrea, brilla alors un de ces regards terribles qui eussent fait frissonner quiconque aurait porté le plus banal intérêt à M. de Kergaz. « Voyons, capitaine, » dit froidement Collard, « ne cassez rien et écoutez-moi. » Collard raconta alors la scène de Belleville succinctement, mais dans tous ses détails, puis il ajouta « Vous comprenez très bien que Léon Roland et Cerise connaissent Fernand Rocher et Armand en même temps. Il faut un rien, un mot échappé, un mot jeté au vent, pour mettre cet homme du diable, qui fait le bien avec autant de génie qu'il en faut pour faire le mal, sur la trace de l'héritage. Alors nous sommes perdus. » « C'est mon avis, » dit froidement Andrea. « Comment, c'est ainsi que vous le prenez ?» Le capitaine Williams avait reconquis tout son sang-froid, et sa merveilleuse lucidité d'esprit habituelle était accourue à l'aide de son infernal génie. « Mon cher lieutenant, » dit-il avec calme, et laissant glisser sur ses lèvres un dédaigneux sourire, « je vous croyais plus fort que vous n'êtes. » « Moi ?» balbutia Collard, ahuri de cette tranquillité. « Sans doute. Vous perdez la tête dès le début. » Armand est l'exécuteur testamentaire du bonhomme Kermarouet. Nous, nous sommes les loups qui flairent la proie et veulent se l'approprier. Donc, nous aurions dû prévoir la lutte presque inévitable entre le dragon qui garde et les voleurs qui veulent dérober le trésor. « C'est vrai, » murmura Collard. « Ceci posé, » dit froidement Williams, « il faut accepter la lutte et envisager la situation avec le sang-froid d'un général du génie, faire des levées de terrain et étudier le champ où se livrera la bataille. » « Eh bien ?» demanda Collard, qui retrouva son calme en présence du calme superbe de son chef. « Voici, » dit le capitaine, « tu dis qu'Armand a fait connaissance de Léon Roland. » « Oui. » « Lequel Roland connaît Fernand Rocher. » « Oui. » « Mais Fernand et Armand ne se connaissent pas encore, c'est probable. »« Eh bien, nous allons supprimer l'intermédiaire, » dit froidement le capitaine. « Comment ?»« Bon, j'aurai trouvé le moyen d'ici ce soir. » « Mais, Cerise, » observa Collard, « si Léon disparaît, elle ira trouver Armand. On supprimera Cerise. Oh, s'écria Collard, y songez-vous? C'est-à-dire qu'on priera M. de Beaupréau de veiller sur elle. Et après? Après, dit tranquillement Williams, si tu as toujours du goût pour cette petite, on verra. Mais Fernand, Fernand, que connaissent peut-être les amis de Léon Roland et à qui ils s'adresseront par la raison toute simple qu'il est employé au ministère, ce qui, aux yeux des ouvriers, est une haute position. Oh! Répondit Williams avec l'indifférence d'un juge corrompu qui prononce une sentence arbitraire. Celui-là ne nous gênera plus demain soir. Sois tranquille. Ma foi, capitaine, murmura Collard avec admiration, vous êtes un homme de génie. Williams ne daigna point répondre au compliment de son acolyte. Il ajouta, t'es-tu occupé de mon hôtel? Oui, j'ai presque retenu, rue Beaujon, à deux pas des Champs-Élysées, un petit hôtel charmant, un rez-de-chaussée et un premier étage, une écurie pour 5 chevaux. Je verrai cela demain matin, car, ajouta Williams, mon futur beau-père, dont je dois faire la connaissance ce soir, au bal du ministère des Affaires étrangères, ne doit point me voir loger dans ce taudis. Ah, demanda Collard, vous verrez le beau préau ce soir? Oui, lui, sa femme et sa fille. William se leva et congédia Collard. Je vais chez Baccarat. Tu reviendras ici dans la soirée et tu m'attendras à quelque heure de la nuit que je puisse rentrer. Le capitaine remonta dans son Tilbury, aussi calme, aussi tranquille qu'il était tout à l'heure lorsqu'il avait rencontré Collard, et il gravit la rue Blanche au grand trot de son cheval anglais. À la vue du Tilbury, la femme de chambre de la courtisane, qui se trouvait par hasard dans la cour, rentra précipitamment. « Madame, madame, » dit-elle à Baccarat, « encore l'anglais. Est-ce que vous allez le recevoir 2 fois par jour maintenant? Il me fait peur. » « Fanny, » répondit Baccarat d'un ton sec, « vous êtes une sotte. Faites entrer le baronnet, sir Williams, au salon. » Au moment où Fanny lui apportait la nouvelle de la brusque arrivée de sir Williams, Baccarat s'habillait. Le mystérieux entretien qu'elle avait eu avec Williams avait rendu à Baccarat ce calme superbe qui fera éternellement le triomphe et la force de la courtisane. Maîtresse d'elle-même, la sœur de Cerise redevenait la femme de marbre qui se laissait désirer toujours sans se livrer jamais entièrement, et procédait à sa toilette avec le tact d'un général ordonnant un plan de bataille. Williams attendit au moins 10 minutes au salon, et cette attente fut loin de lui déplaire. Elle est redevenue forte, pensa-t-il, c'est bon signe. Baccarat lui apparut dans une toilette charmante d'intérieur, en robe de chambre de velours bleu de ciel décolleté, les bras demi-nus et entourée de manches en dentelle noire, ses beaux cheveux blonds emmêlés de bluets pour toute parure. Elle salua Williams d'un bonjour cher, prononcé du bout des lèvres, qui sentait son aristocratie du vice, et elle lui indiqua une place auprès d'elle sur un canapé avec un geste de duchesse à panier, pondré à la maréchale. « Ma belle amie, dit sir Williams, assez de poses comme cela, et causons. »« Je ne pose pas, répondit Baccarat, je reviens à mon naturel. »« Soit, causons. De quoi s'agit-il encore ?»« Voici, répondit Williams. Ce matin, vous étiez pâle, agité. Ce soir, vous êtes calme et superbe. »« Après ?» fit Baccarat avec impatience. « Ce matin, vous aimiez Fernand ?» avec le désespoir de la femme qui voit lui échapper celui que son cœur a rêvé et choisi. Ce soir, vous l'aimez avec la tranquillité d'âme de la femme assurée d'être aimée tôt ou tard. « Peut-être, » murmura Baccarat. « Vous comptez, reprit Sir Williams, sur la visite de M. de Beaupréau pour demain ?»« Sans doute, » fit Baccarat inquiète. « Est-ce qu'il ne viendrait pas ?»« Il viendra. »« Eh bien alors ?»« Alors, ma chère, je vous apporte le meilleur des prétextes à lui fournir pour y conduire Fernand de chez lui. » et le perdre sans retour, dans l'esprit de Mademoiselle Hermine de Beaupréau. Un éclair de joie infernale brilla dans les yeux de la courtisane. « Vrai ? » s'écria-t-elle. « Mais, dit froidement Williams, il sera ici à vos genoux, tenant vos mains dans les siennes, dans 48 heures. » Williams n'acheva pas. Baccarat était déjà demi-folle de joie. « Que faut-il donc faire ? » demanda-t-elle. « Mettez-vous devant cette table, prenez une plume et écrivez sous ma dictée. » Baccarat obéit et le capitaine dicta « Mon Fernand bien-aimé, voici 4 jours, grands comme 4 siècles, que ta petite Nini t'attend. » « Mais, dit Baccarat s'interrompant brusquement, que me faites-vous donc écrire là ?»« Écrivez, cher ami, » répondit le capitaine d'un ton sec, « mais je ne comprends pas. C'est inutile, écrivez toujours. » Baccarat courba le front sous cette volonté calme et froide et reprit la plume. « 4 siècles, mon ange adoré, » continua le baron, dictant toujours, « car tu le sais bien, ta petite Baccarat ne vit que pour toi, comme vous ne viviez que pour elle, méchant, avant d'avoir des projets sérieux. Voilà bien les hommes. Ils doivent vous aimer toujours, toujours ne leur paraît même pas assez long, et puis un soir, ils rencontrent une poupée de fille honnête, comme ils disent, une petite chipie à bras rouges, et un sourire niais dont les épaules ont des salières, et parce qu'elle a 200 000 francs de dot, les voilà qui s'embarquent sur le sentiment et veulent se marier. Dis donc, Fernand, je suppose que lorsque tu auras fait le grand saut, tu trouveras bien un petit moyen pour me présenter chez ta femme. D'autant que Do veut m'épouser, un de plus, par avance, et je serai une femme honnête, moi aussi. Parole d'honneur, mon chéri, je vais m'amuser à ton mariage, qu'agirai, sois-en bien sûr. Ça sera drôle de voir mon faux amant, avec son habit noir et une cravate blanche, donner le bras à Madame Rocher, déguisée en oranger. Ah ça, vilain monstre, vous n'êtes pas marié encore, j'imagine, et il me semble que vous me négligez un peu. D'ailleurs, vous m'avez juré que votre légitime, que vous n'aimiez pas, ne vous empêcherait point d'aller voir, et tous les jours encore, votre vraie petite femme, la baccara de votre cœur, qui t'aime toujours et t'aimera longtemps, chérie. Je suis jalouse, vois-tu, et si ce soir même tu n'es pas ici à mes genoux, je vais faire une scène à ta future. Mes lèvres sur tes lèvres et ma main dans les tiennes, baccara. Quand elle eut écrit cette lettre étrange, la courtisane regarda le baronnet avec la stupéfaction de ceux qui servent d'instrument et accomplissent une besogne mystérieuse qu'ils ne comprennent pas. « Comment ? » dit William en souriant. « Vous ne devinez pas, ma chère ?»« Mais non, » répondit franchement Baccara, « et je commence à me croire bête. »« murmura le baronnet avec impertinence. « Ce sera le cas de dire, on ne sait pas. On n'a jamais pu savoir. « Mettez l'adresse, » ajouta-t-il, « à M. Fernand Rocher, rue des Marais. » Baccara écrivit l'adresse et Williams lui fit ajouter ce post-scriptum. « Fanny te porte ma lettre. Tâche d'être sage et ne lui fais pas, je te prie, des yeux en coulisses. Je ne veux pas croire encore, bien qu'on me l'ait affirmé, que vous soupériez pour ma femme de chambre. Oh, les hommes !»« Maintenant, ma chère, » reprit Sir Williams, « vous ne comprenez pas qu'un soir, demain par exemple, cette lettre puisse tomber dans les mains de Mademoiselle Hermine de Beaupréau ?»« Ah !» exclama Baccara, dont l'œil étincela soudain. « Je comprends, mais cette lettre, comment l'envoyer ?»« Monsieur de Beaupréau s'en chargera. »« Lui, tiens, c'est une idée. »« Parbleu !» dit froidement Williams. « On ne va pas lui donner ce risque gratis à cet homme en lunettes bleues. »« C'est vrai !» murmura Baccara, à qui un dernier remords fit baisser la tête. « Or, poursuivit Williams, il peut se faire que M. Fernand Rocher dîne demain soir chez son chef de bureau. » M. Rocher parti, la lettre se trouve par hasard sur un meuble, sur un tapis. On l'ouvre, on la lit. « Je devine, » interrompit Baccara. Et, acheva Williams, « Fernand Rocher est un homme à jamais perdu dans l'esprit de Mademoiselle Hermine et de sa mère. »« Ah !» s'écria Baccara, « voilà qui est bien trouvé. Mais le Beaupréau consentira-t-il ? Parbleu, puisqu'il aime cerise. » « C'est juste, » murmura la courtisane, qui, une fois encore, baissa humblement le front. William se leva. « Ma chère amie, je vais dans le monde ce soir, et il faut que je rentre chez moi pour m'habiller. Où allez-vous sans indiscrétion ? Au bal des ministères des Affaires étrangères, où je rencontrerai inévitablement notre chef de bureau. Je ne le verrai donc pas ce soir ? Non, très probablement. Mais je donnerai ma tête à couper que vous aurez sa visite dès demain matin. Alors, que ferai-je ? Demanda Baccara. Vous lui montrerez la lettre que vous venez d'écrire. Bien, et après ? Après, vous lui direz que vous aimez Fernand, et que si Fernand épouse sa fille, lui, Beaupréau, peut renoncer à revoir jamais votre sœur Cerise. Puis vous lui remettrez cette lettre en lui disant « Arrangez-vous pour que votre fille la lise, qu'elle écrit deux lignes de rupture à son fiancé, et rapportez-les-moi. Je vous dirai alors où vous pourrez trouver ma sœur. Et vous croyez qu'il consentira ? À tout, j'en suis sûr. » « Je vous verrai demain et nous aviserons alors. Au revoir. » Et Sir William se leva, baisa galamment la main de Baccara et sortit. 2 heures plus tard, parmi les nombreux invités que le ministère des Affaires étrangères réunissait à son bal, on remarqua un jeune gentleman du nom de Sir Williams, baronnet, originaire d'Irlande, lisait la chronique et habitant ordinairement Venise. Le baronnet était un homme d'une élégance parfaite, de manière chevaleresque. Il avait cette beauté un peu triste et rêveuse des fils d'Albion qui courent le monde, poussés par l'ennui. Le baronnet, présenté par l'ambassadeur d'Angleterre, fut à la mode au bout d'une heure dans les salons du ministère. 1000 légendes fabuleuses coururent bientôt sur sa fortune, ses excentricités. Le bruit même se répandit qu'il voulait se marier. Ce qui encouragea beaucoup de mères à l'accueillir avec un sourire. Mais Sir Williams dansa peu. Il se mit à la recherche de M. de Beaupréau, se fit présenter à lui par un attaché d'ambassade, puis à la femme et à la fille du chef de bureau qui prit peu d'attention à lui. Cependant, il obtint d'Hermine la faveur d'une contredanse, lui conta quelques banalités et s'esquiva peu après. « Je n'ai plus rien à faire ici, se dit-il. On m'a vu. Je ne suis plus un inconnu pour le beau préau. Cela suffit. Plus tard, je ferai connaissance plus ample avec ma future femme. » Et Sir Williams regagna son pavillon de la rue Saint-Lazare vers minuit en se disant « La petite est jolie. Avec une dot de 12 millions, c'est un parti très convenable. »